Salut à toi, si tu viens de me rejoindre, moi c'est Aurélie et j'ai créé ce podcast « Viens réinventer le monde » pour avoir un prétexte pour aller questionner les gens qui m'entourent et qui veulent vivre selon leurs propres règles. En fait, j'avais juste envie de me dire « Je prends mon micro et je vais jaser avec des gens qui m'inspirent, sans questionnaire d'interview, sans préparation, juste avec ce qui vient. » Tu peux retrouver tous mes podcasts sur mon blog, latitreinventerie.com, PodCloud ou encore Apple Podcasts. Et pour soutenir le projet, n'hésite pas à me suivre pour te tenir au courant de mes prochaines rencontres inspirantes. Pour ce cinquième épisode, je suis allée à la rencontre d'Élisée. Entre le chant, le corps, la libération des émotions et la réflexologie, à travers son parcours, on jase ensemble de liberté, d'émotion et de bienveillance avec soi-même. Je te souhaite une bonne écoute. Ben, salut Élisée, merci de me recevoir chez toi, je suis vraiment contente de pouvoir aborder tous ces sujets-là avec toi. Ben, en fait, donc toi Élisée, tu es réflexologue, mm-hmm. C'est comme ça que je t'ai connue l'année dernière en faisant la réflexologie. Et auparavant aussi, j'avais fait un test de chant avec toi, mais il y a quand même un bout là, c'est resté toujours dans un coin de ma tête. Et j'étais inspirée en fait par ce que tu dégages, par ton énergie que je trouve relaxante. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un podcast ensemble. Super. Merci Aurélie. Parler de ton parcours, de ton regard sur le corps et de toute ton expérience. Je sais que tu as un bagage... tu es chanteuse, est-ce que c'est chanteuse lyrique qu'on dit? Oui, c'est okay. Chanteuse d'opéra, chanteuse lyrique. Chanteuse d'opéra, et réflexologue aussi, tu fais des massages, tu as beaucoup, tout un univers en fait autour de toi. Et moi, ma première question, c'est donc véritablement le corps est au centre de tout ça, j'imagine. Je me dis, ce que j'aurais envie de te poser, c'est... Comment est arrivé chez toi cet intérêt pour le corps? Parce que dans ma tête, je me dis, quand tu passes au chant, on est dans le corps, on est dans l'expression, on est la réflexologie. Je me dis, il y a comme un point d'intérêt. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que ça me parle? Je ne sais pas si je me suis intéressée au corps en premier ou à ce qui allait améliorer le corps. Ok. Je pense que c'était les outils qui m'intéressaient. Plus jeune, c'était les plantes, les herbes. Je suis une cueilleuse, je suis une sécheuse de plantes. J'ai mes pots de tisane, mon argile à disposition. Donc, ça a toujours été des outils pour aider le corps. Mais je ne sais pas si c'est parce que le corps m'intéressait plus que ça, parce que longtemps, je ne me faisais pas masser. Longtemps, je n'ai pas touché aux gens. Longtemps, d'ailleurs, je me posais même la question, est-ce que j'aurais le goût de toucher les gens? Par contre, il y avait une partie du corps qui m'intéressait, c'était les pieds. Ça, c'était clair et net. Donc, sans être particulièrement fétichiste de pieds, moi, le pied en santé m'a toujours fascinée. Parce que, il nous porte déjà, il subit nos variations de poids, il fait de la rétention, il se blesse, on le cogne, on arrache les ongles, on déchire la peau, on déchiquette la peau. Enfin, on n'a pas toujours un regard super bienveillant pour les pieds. Ouais. Puis moi, je trouvais que le pied donnait une image extraordinaire de avant-après. Donc, des pieds crottés qui sortent dans la boue, de la boue, et passer dans une eau claire et voir le scintillement de la peau, les ongles, tout oxygéné et tout. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Mais je viens de famille de gens de la terre, donc mes grands-parents, eux, marchaient avec des sandales ou alors pieds nus autour de la maison dans leur champ. Donc quand ils venaient, ils avaient les pieds croûtés, effectivement. Donc voir les bassins d'eau, les grosses brosses, nettoyer ses pieds, puis voir la légèreté qui s'en dégageait, j'ai toujours été fascinée. Donc est-ce que c'était parce que j'allais venir au corps que j'ai commencé par les pieds? Sans doute. Okay. Je commençais par les pieds et les cordes vocales, c'est-à-dire la tête et les pieds. Ça me fascinait. Au milieu, l'intérêt est venu au fil du temps. Je voyais le rapport entre le haut et le bas, en fait. Ouais. Plus que de penser qu'il y avait un corps au milieu de ça. Enfin, ouais. Ok. Puis ces intérêts-là sont venus comment pour toi? Est-ce que tu as été inspirée? Oui, j'ai été inspirée. Ma mère, quand on avait une petite douleur ou quelque chose comme ça qui nous empêchait d'aller à l'école, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, elle allait dans le jardin ou dans le sous-bois, elle prenait trois herbes, elle mettait ça dans de l'eau chaude et puis c'était la tisane. Le lendemain, ça allait. Ou si on avait un début de grippe ou de rhume, c'était une friction. Alors nous, on faisait ça avec du rhum, puisque c'est ma boisson locale, hein, je viens de la Martinique, et on y mettait du camphre. Donc c'était notre rhum camphré, on avait toujours une bouteille de ça, ça soigne tout. Voilà, notre potion magique de la tête aux pieds, t'as mal au dos, tu es tombé, t'as un chagrin d'amour, on te frictionne au rhum camphré. Et puis ça faisait le travail. Ouais. Ça faisait le travail. On avait très très peu de choses dans notre officine familiale, mais on avait ça, on avait de l'argile, donc de la terre. Ouais. On avait du chlorure de magnésium pour les intestins, du thym, en fait des plantes de premier secours. Puis j'ai grandi là-dedans. Puis mes premiers livres de méthode harmoniste, de santé, de vitalité, je les ai eus à l'âge de 8-9 ans. Ok. En même temps que mes livres de recettes, parce que j'étais déjà passionnée de cuisine. Donc ça a été ça. Je suis quand même tombée dans une famille qui respectait beaucoup la nature. Beaucoup. Et pour qui c'est précieux une herbe, voilà. Tu vois, en ce moment, c'est le pissenlit qui pousse. Ouais. Et puis, il y a une semaine, j'ai un ami qui habite Val-David qui m'a apporté un gros sac de pissenlit. Il arrache tout, prend la racine, parce que de toute façon, c'est de la mauvaise herbe. Mais nous, on en mange une bonne partie, puis l'autre partie, je la fais sécher. Ouais. Puis j'en ai pour l'année. Pour faire des tisanes. Voilà, tisanes. Nettoyer les reins, la vessie, tout ça. Ouais. Donc, ça me fascine. J'adore les plantes, je suis entourée de plantes, je suis entourée d'huiles essentielles. Et puis ça me permet d'entourer le corps justement d'effluves, de douceur. Je trouve qu'on guérit mieux, qu'on va mieux vers sa santé quand on est entouré de nature. Vraiment. Fait que t'as grandi dans cet univers-là. Ouais, c'est ça. J'ai voulu, en tout cas, en prendre parti parce que, tu vois, on est plusieurs frères et sœurs. Et puis, il y en a qui ne sont pas du tout intéressés par ça. Et puis, moi, ça, j'ai trouvé ça fascinant tout de suite. Ouais. Par exemple, faire sécher une plante, pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus initiatique. Déjà, aller l'accueillir, bon, la reconnaître, l'accueillir, la sentir, la... Tu sais, tu l'as dans la main, tu vas froisser un peu la feuille ou la fleur, tu vas humer ça. Je trouve que c'est très nourrissant. Puis trouver les bonnes conditions pour sécher, tes mêmes draps blancs quand tu fais ça à la maison, les mêmes conditions atmosphériques, et puis regarder le résultat au fil du temps, mettre ça en pot, mettre ton étiquette, et puis telle cuvée, telle année, tout ça. Mmh. Ouais, je trouve que c'est vraiment un rituel. C'est ce que j'allais dire, il y a comme une forme de rituel qu'on peut perdre des fois dans cette rapidité de faire les choses. De trouver un sachet de tisane et tout ça. Moi, je suis rarement satisfaite d'un sachet de tisane. Ouais. J'ai besoin de sentir mes plantes. Là. Et puis, quand mon fils écrit, par exemple... menthe de chez nous, je trouve que ça a quelque chose de fort, quoi. Ouais. Surtout quand il n'y a pas de H au menthe, quand il est tout petit et qu'il écrit M-E-N-T-E, c'est trop mignon. Excellent, génial. Ben oui, bien sûr, ça donne une autre dimension. Ouais. Puis, tu vois aussi ce qu'il y a derrière. Absolument, tu vois. Absolument. Ça donne beaucoup de respect pour la nature. Puis je me demandais, quand tu as choisi de... Parce que tu es d'abord allée dans cette voie du chant. Est-ce que... donc tu t'es embarquée dans le chant. Est-ce que l'idée des pieds puis de la réflexologie, c'était déjà présent ou c'était... Absolument pas. Okay. En fait, j'ai massé les pieds de mon bon papa, mon grand-père maternel, et ses mains. Et puis, lors d'un séjour en France où on habitait avant, il est venu en hiver. Donc, un grand, grand bonhomme de près d'un mètre 90, d'un certain âge, qui avait les mains toutes sèches, toutes rugueuses. Puis moi, c'était mon plaisir chaque matin de masser ses mains. Avant d'aller à l'école, avant de faire quoi que ce soit, c'était ma façon de rentrer en communication avec mon bon papa. Et puis, une fois ou deux par mois, je mettais une cuvette, il trempait les pieds, puis je lui faisais les pieds. Ça aussi, c'était une belle communication entre nous. C'était comme un rituel. C'est ça. Et puis, ça nous réunissait. On était pas mal en silence, tous les deux, mais on se disait tellement de choses dans ces moments-là qu'il n'y avait pas besoin de mots. Et donc, mon bon papa est reparti, plus tard il est décédé, et puis moi j'ai continué ma vie. Mais à l'âge de 16 ans, j'étais dans un party, une fête d'amis, et tout le monde chantait. Je ne sais pas bien comment j'y étais arrivée, mais on va dire que c'était un milieu de gens assez aisés. Il y avait un grand piano, et puis tout le monde chantait dans tous les sens. Le chat qui fait un bon voilà, bim. C'est ça. Il vient se dire, mais qu'est-ce qu'il y a sur, sur l'enregistrement. Je crois que tu veux... Le chat est près du micro, je crois qu'il veut nous dire quelque chose. Il veut une place. Allez, assieds-toi. Tiens. On va lui faire une place. Voilà. Il y a de la curiosité dans l'air. Hein. Pourquoi tout ça chez nous? Ouais, elle va se trouver un petit coin. C'est gros, mais voilà. C'est délicat. Ouais, vraiment. Il va être le témoin de ce qui se passe. C'est ça. Donc, j'avais 16 ans. Et puis, à la fin, tout le monde a chanté. Et là, la madame qui était au piano... Oh, une dame qui me semblait, bah, quand t'as 16 ans, tout le monde est vieux, n'est-ce pas? J'avais l'impression qu'elle avait l'âge de tout en camon, quoi. Oui. Alors, elle me dit, et toi, est-ce qu'on peut entendre ta voix? Et puis, ce jour-là, elle me fait juste une vocalise, et puis ça monte haut, ça monte. Et puis moi, j'ai plaisir à ça, parce que je suis habituée de jouer avec ma voix, parce que j'ai eu un premier kit d'enregistrement à l'âge de 11 ans. Okay. Donc, j'ai fait qu'enregistrer ma voix à tue-tête. Et puis, j'avais une chance, c'est que dans ma famille, personne ne me disait de me taire. Donc, je pouvais crier du soir au matin, c'était normal. Ça ne les dérangeait pas. Okay. Donc, à cette fête, cette dame me dit, madame très respectable, « Oh, tu as une voix. » Alors, ça reste là. Puis je me dis, peut-être je vais en faire quelque chose, mais je ne viens pas d'un milieu où on fait de la musique, où on connaît le conservatoire, ou des choses comme ça. Donc, ça m'interpelle plus ou moins. Je vais faire mes études, des études commerciales à l'époque. Et puis, à l'âge de 26 ans, je me dis que je vais faire un art. Donc, je travaille... pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à l'époque, puisque j'ai fait mes études commerciales dans leurs écoles. Puis à l'âge de 22 ans, j'ai un super poste. Mais il manque une dimension. Je travaille bien, je gagne énormément d'argent. Un grand truc, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai 22 ans et il me manque une dimension. Tu t'ennuies ou tu... Je m'ennuie pas parce que le travail est extraordinaire, mais mes mains s'ennuient, mon cerveau s'ennuie. Il me semble qu'il manque une dimension. Mmh. Il manque une dimension, je sais pas bien laquelle. C'est bien que je me dis, je vais peut-être aller dessiner. Et puis une dame au travail me dit, oh, j'ai des contacts dans des galeries de peinture, amène-moi ce que tu fais. Puis je me dis, mais non, la peinture, c'est personnel. J'ai pas envie de la montrer. Okay. Et je fais de la peinture, je dessine beaucoup, tout ça, mais il me semble que ça doit passer par une autre voie. Alors, je tiens le coup, 22 ans, 23, 24, 25, 26, et à l'âge de 26 ans, je passe dans une petite ville à côté de Paris, à quelques minutes de Paris. Puis, il y a quelque chose qui s'appelle un conservatoire de musique. Sur la porte, il y a écrit « Audition de chant ». Mercredi, et on est lundi. Alors, je rentre, poussée par je ne sais quoi, et la secrétaire me dit, oui, c'est pour des chanteurs qui veulent devenir chanteurs d'opéra, on a beaucoup de professeurs de chant ici, diplômés, très bons, faut s'inscrire. Je dis, oui, on fait quoi? Elle dit, ben, faut venir juste avec une chanson, un chant. Alors, je m'inscris, et puis le mercredi, me voilà à chanter un chant qui s'appelle The Holy City, qui est un peu gospel classique, je l'ai apprise, cette chanson, du lundi au mercredi, toute seule. Et comme j'ai jamais passé d'audition, je sais pas que j'aurai un instrumentiste, un pianiste qui sera là, mais j'ai quand même l'idée d'aller chercher une belle partition, que je roule en boule comme toujours, et j'ai cette partition qui vaut ce qu'elle vaut, une photocopie, puis j'arrive Et j'ai tellement peur à cette audition, tellement. Je pense que c'est ma première audition à vie. J'ai déjà chanté sur scène, mais là, c'est vraiment ma première audition à vie. Que je m'entends chanter comme ça. Mais en accéléré. Et ça, c'est dans mon cerveau que j'entends ça. J'ai l'impression que ça dure 35 secondes. Or, je sais que c'est un chant de 3 minutes 25 à peu près, mais... J'ai tellement peur et que mon battement cardiaque doit être tellement affolé que c'est ce que j'entends comme chanson. Je regarde le monde et puis je dis au revoir et je m'en vais. Et en sortant, là, il y a un beau garçon qui s'appelle Fred qui me dit « Waouh, comme t'as une belle voix !» Et je lui dis « Tu fais quoi là ?» Il me dit « Je vais aussi auditionner. » Alors discrètement, je me place comme il l'avait fait derrière la porte. Puis j'écoute et quand il sort, je dis « Waouh, t'as une belle voix !» Il dit « Bon, ben, on se verra peut-être au mois de septembre, hein, on est au mois de juin. » Et au mois de septembre, on se voit. On se retrouve, on est choisi par cette école. Et puis tout de suite, on devient un peu ambassadeur, lui et moi, pour faire des duos pendant les galas, la mairie, convoque le conservatoire. Et puis on est demandé tout le temps. Mais... Avant d'avoir de la technique, on a quelque chose de chouette tous les deux, c'est qu'on a une espèce de magnétisme sur scène. Et puis, ce qui fait que partout, il y a quelque chose à vendre ou à acheter, ils nous envoient comme ambassadeurs, chanteurs. On est charmeurs, on adore ce qu'on fait, on joue avec le public, ça nous est facile. Donc, les gens, ils nous redemandent et puis on fait nos classes comme ça. Au bout de 6 mois, je me fais virer du conservatoire pour insubordination. Et je suis réintégrée, donc j'ai une belle mise à pied et je suis réintégrée un an après, donc la rentrée d'après. On me change de professeur de chant et là je tombe sur une dame qui sort sa carte de psy en disant « Si un chanteur ne s'occupe pas de son intérieur, il ne fera rien dans la vie, alors il faut que tu passes chez le psy. » Alors, j'apprends qu'elle donne cette carte de psy à tous ses élèves parce qu'elle estime que c'est dans un parcours normal d'aller explorer en soi. Ce que je comprends des années après, mais aborder comme ça et le volet psychiatrique d'emblée... C'était pas, peut-être pas le bon moment. Je me disais que c'est antipédagogique et puis c'est elle qui en avait besoin, quoi. Nous, on a 16-17 ans, je veux te dire. Bon, voilà. Et bref, je me refais virer par elle et par le directeur du conservatoire. Qui la tape du poing et se lève en gueulant en disant « Je suis le seul maître à bord et tu feras ce qu'on te dit ici. » Mais moi, je suis animée par une intuition extraordinaire, peut-être trop prononcée à l'époque, qui m'en rend trop prudente, mais mon intuition me dit qu'on m'enseigne d'une façon où il ne faut pas. Ouais. Parce qu'on me donne du répertoire que je connais déjà, j'ai quand même... une grande culture générale et musicale, même si je n'ai pas fait de musique. Puis on me donne des pièces de gens que j'adore, mais qui chantent au Metropolitan de New York, qui chantent à Glyndebourne, enfin sur les grandes scènes internationales, et qui ont chanté ça 10-11 ans de technique après. Donc je me dis, ok, on peut sans doute chanter tout avec la voix qu'on a si on ne force pas, mais j'ai zéro technique. Donc je refuse en bloc mon prof qui me dit, ah mais ça, tu vas chanter ça, et ça, et ça, et ça. Alors là, l'insubordination, c'est comme si j'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, c'est pas comme ça qu'on doit enseigner à ta voix. Ouais. C'est peut-être bon pour les autres, mais pas pour toi. Ouais, c'est dingue. Donc, je me fais revirer. Réintégrer, puis la troisième fois, c'est moi qui me vire moi-même en disant que no way, c'est un choc des cultures aussi pour moi d'entrer puis me dire qu'on apprend le chant. Hein. Je viens des Antilles, on chante du matin au soir dans la famille, tout est prétexte à improvisation. Alors, me dire qu'il y a une technique derrière ça, là, ça me saoule, quoi. Ouais. Choc vraiment culturel. Ouais. Mais j'aime chanter, ça je le sais. Donc, je rentre à la Sorbonne, hein, j'ai 26 ans. Je tombe sur un garçon qui sera le parrain de ma fille, chez qui elle est en ce moment d'ailleurs, en Europe. Et Eric m'entend chanter dans le chœur qui est obligatoire, on est 150. Et lui, il est derrière, parce que c'est un baryton. Il vient me voir après en me disant, j'aime ta voix. Alors je lui dis, te fiche pas de moi, on est 150. Il me dit, j'aime ta voix et je vais te faire travailler. Ok. Donc le samedi après, j'ai rendez-vous chez lui. Il me dit, on va commencer par le solfège, parce que manifestement, tu sais rien. Et le samedi matin, je ne me pointe pas, il m'appelle en me disant, qu'est-ce que tu penses? Que je veux te draguer ou que je veux te demander de l'argent? Alors, je lui dis, ben, on ne m'a jamais proposé de me faire travailler. Forcément, il y a une contrepartie. Oui. Alors, il me dit, ben, comme pas à l'aise, viens, t'en, viens, et puis tu verras. Il me fait travailler 2 heures. Et puis, il me dit, vraiment, j'aime ta voix. Et puis, je m'en vais. Et le samedi d'après, je me dis, cool, j'ai rencontré quelqu'un. Et puis, c'est bon, il me rappelle. Je suis encore au lit, il me dit, mais je t'attends, ça va être tous les samedis. Et grâce à Eric, j'apprends mon solfège, j'apprends mes notes, il me fait déchiffrer beaucoup, beaucoup de choses en me disant, il faut vraiment que tu fasses quelque chose avec ta voix. Mais là, du coup, à ton rythme. Et C'est ça, mais en dehors de la Sorbonne, de la musicologie, parce qu'en musicologie, tu fais les matières théoriques, mais la pratique, il faut que tu ailles au conservatoire. Mmh. Moi, je n'ai pas ça. Donc, grâce à lui, j'intègre un petit conservatoire de musique, je fais un peu d'analyse de trucs, donc... Je trouve un petit peu un niveau, là, on va dire. Ceux qui arrivent à la Sorbonne à l'époque, moi j'en ai 26, ils ont 18, hein, ils sortent du baccalauréat et tout. Ouais. Donc, c'est les belles années de ma vie, mais faire du travail auditif à 8 heures du matin, moi j'avais l'impression que le sang me coulait de l'oreille, tellement j'avais mal, tellement mon oreille physique n'arrivait pas à entendre tout. Et au moment où elle entendait, se fatiguait vite. Donc, c'était à muscler tout le temps, tout le temps. J'ai travaillé, je pense, des nuits entières, l'analyse, l'harmonie, enfin, essayer de comprendre le langage musical. Et puis, ça a été une bonne chose, parce que mes premiers concerts, j'ai fait de la musique baroque. J'ai travaillé donc avec Eric, qui est un excellent pianiste, claveciniste. Lui, il était tombé dedans, il jouait tout. Un bon déchiffreur, un bon transpositeur d'ailleurs, ce qui est assez rare chez les pianistes. Et donc, on a fait nos premiers concerts ensemble. Et on ne s'est plus jamais lâché en musique. Il a accompagné toutes mes classes de chant quand je suis devenue professeure. Il a accompagné mes stages d'été. Il m'a jamais, jamais, jamais laissé tomber. Puis il est devenu le parrain de ma fille. Des années c'est après. Excellent. C'est excellent. Ouais, c'est un brillant musicologue, instrumentiste, qui s'est jamais vraiment posé de questions. Je pense qu'il était surdoué de plein d'instruments et tout. Et puis j'ai eu la chance d'être repérée par lui. Donc c'était vraiment quelque chose de beau dans ma vie. Donc, du coup, tu as évolué dans ce milieu musical, dans l'enseignement ensuite. C'est ça. Donc, à 26 ans, je fais tout ça en bloc. Et puis, ce garçon que j'ai rencontré, qui s'appelle Fred, ce super chanteur, va devenir un de mes élèves, mes premiers élèves, parce que lui aussi, il s'arrange pour se faire virer de l'école de musique, parce que je pense qu'il s'ennuie sans moi. Et quelques temps après... je vais monter donc avec mon conjoint un ensemble vocal qui s'appelle Ritual Song. Ritual Song fait des musiques du monde et beaucoup de gospel avec des arrangements très très très originaux parce qu'ils sont faits pour une personne du groupe qui sera accompagnée par les autres en choriste. Donc on tient compte de la voix de chacun, de son univers musical, d'où il vient pour écrire, réécrire ses gospels pour lui. Donc, on travaille 10 ans ensemble avec Ritual Song. Et moi, ça me donne l'occasion de monter ma première classe de chant. Je rentre au Conservatoire National de Paris suite à un poste qui s'est libéré parce qu'un prof malade, mais ça faisait 6 mois que les élèves n'avaient plus de prof de chant. Puis le Conservatoire National de Région de Paris prépare les enfants dès qu'on les repère aux auditions, qui sont très bons, tout ça. Et on est 5 profs de chant, c'est comme une pépinière, on fait des champions de la voix. Donc j'ai travaillé avec eux jusqu'à venir à Montréal il y a 10 ans. Ouais. Ça a été mon premier grand employeur. On a de la chance d'être titulaire. Donc, au conservatoire. Et là, tu le faisais selon ton style et ton... Là, on est quand même dans un conservatoire national classique. On ne fait pas de pop à proprement. Et je veux dire, est-ce que tu sentais le poids de l'institution ou tu arrivais à trouver une... Ouais, bonne question. On est assez libre, on est 5 profs et ce qui compte, c'est que nos élèves soient performants. Parce que ce sont des élèves qui sont multi-instrumentistes, souvent qui sont danseurs, même à 8-10 ans, là, ils ont déjà tout ça, toutes ces ressources-là. Donc l'idée, c'est qu'ils soient très très bons vocalement, qu'ils soient athlètes de la voix, parce qu'ils vont chanter tous les jours. Mm-hmm. Ce sont des enfants qui chantent tous les jours. Donc quand ils sortent de leur cours, ils sont soit en ensemble vocal, soit en chorale, mais ils vont chanter et ils vont performer en public. Ouais. Donc, on fait des champions de la voix, ça c'est clair. Des voix robustes, solides, à 8-10 ans. Ouais. Et puis, il y en a qui vont se destiner plus tard à chanter. J'en ai plusieurs que je vois sur des scènes internationales à l'heure actuelle. Puis d'autres qui vont choisir plus un autre instrument que le chant. Ouais. Donc, ça, c'est des belles années. Est-ce que l'institution est pesante? Oui et non, parce qu'on est quand même Conservatoire Paris, on sent la politique, on sent les changements. Ouais. Mais dans notre travail, non, on est très peu... Après, c'est une histoire d'individu, là, mais... C'est des belles années, puis j'étais titulaire, donc quand je suis venue ici, j'aurais pu récupérer mon poste qu'on m'a gardé pendant un an, puis après, j'ai choisi de m'installer à Montréal. Clairement. De venir immigrer ici. Ouais. Et puis entre-temps, j'ai fait mon diplôme d'état de professeur de musique, spécialité pédagogie de la voix. Et j'ai eu donc ce fameux diplôme juste avant mon visa. Donc il y avait des choix cruciaux à faire. Mais bon, j'ai choisi le changement. Ouais. Voilà. Et c'est donc après... C'est venu finalement après ça, le côté, parce que je sais que dans tes chants, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu mêles aussi l'EFT, libération, mm-hmm. des techniques de libération émotionnelle et tout ça. Moi, c'était la première fois que je voyais ça, justement. Mm-hmm. C'est ça qui m'a motivée à venir essayer le chant avec toi il y a 2 ans, je crois. Comment ça s'est développé, ce côté-là? Alors, j'ai, il y a 15 ans, j'ai une amie qui... allait quand même beaucoup sur le net, ce qui n'était pas tellement mon cas. Ça m'est arrivé parce que je cherchais des écoles au Québec, sans savoir que je viendrais au Québec m'installer. Je cherchais les écoles d'enseignement de médecine douce. Okay. Mais je me disais, si je fais ça, je ferais ça au Québec, sans savoir que je viendrais au Québec. Bref. Mais donc, c'était mon seul rapport à Internet. Quand il y avait Internet, j'imprimais toutes les brochures d'école. Et puis elle, cette amie-là, elle cherchait des cours différents, hypnose, kinésiologie, tests musculaires et tout ça. Et puis un jour, elle me dit, « Oh, il y a un gars, il est super beau, il a des yeux bleus, il a l'air très, très sympa et tout. » Et il fait Emotional Freedom Technique. Et c'est une des premières écoles qui va être lancée en France, en Europe et tout ça. Donc, ça va être super. Et puis, je regarde ça. Puis je me documente un peu, puis je commence moi à faire des petits exercices, des petits protocoles, ça s'appelle comme ça, des petites rondes. Puis ça me plaît, mais j'en fais rien, on va dire, au niveau public. Je l'utilise même pas en chant, j'ai une classe de chant, j'ai des élèves, je fais des stages et tout. Mais à cette époque-là, je fais de la PNL j'utilise plus tout ce qui est PNL dans mon travail. J'ai une formation d'hypnothérapeute, donc ça prend déjà énormément de place dans mon parcours. Puis je travaille comme ça. Puis c'est en arrivant ici, petit à petit, que j'ai développé plus de connaissances en EFT, que là j'ai vraiment lu des livres, que j'ai fait beaucoup de formations en ligne dans un premier temps. Et un matin, je me suis levée en me disant, mais oui, mais si ça marche pour ça, ça marche pour ça, ça doit marcher pour les blocages des chanteurs. Mm-hmm. Toutes sortes de blocages. Et puis, de toute façon, ce que tu as comme blocage dans un domaine, tu l'as partout. si on est logique. Mm-hmm. Et ce que tu fais d'une certaine façon dans tel domaine, c'est cette façon que tu vas utiliser pour tout faire. Mm-hmm. Tu ne fais pas ton lit au carré proprement aéré, ben, ta table de travail, elle ne sera pas aérée, elle ne sera pas propre. Tu seras toujours débordé par ta lessive de la semaine. Ouais. Ou des choses comme ça. C'est notre cerveau, il travaille comme ça à nous rendre cohérents. Ouais. Donc, on peut être cohérent dans une espèce de négligence, et on peut être cohérent dans de l'élégance, mm-hmm. et tout ça. Donc, je me dis, OK, appliquer ça, ça doit être fascinant. Et puis, j'essaye. Voilà. Et puis, c'est parti comme ça. Donc, il y a quelques années, quand j'ai été abordée pour donner un cours de chant différent, qui ne soit pas que de la technique vocale, je me suis dit, je vais élaborer ça plus en détail et voir comment ça fonctionne. Puis, je trouve que les résultats sont extraordinaires parce que ça devient un prétexte, ouais. pour s'améliorer encore plus. Ouais. Et pas que de façon technique devenir une bête de vocalise, comme je dis, mais une personne qui soit équilibrée en elle et qui ait vraiment du bonheur de vivre. Et chanter développe ça en y mettant la technique de libération émotionnelle. Tu vas aller tapoter sur des coins d'ombre en fait de toi qui font que tes blocages sont récurrents parce ouais. que tu n'as jamais réussi à te débarrasser de ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que la technique est facile à apprendre. Mm-hmm. Tous les enfants, toutes les personnes âgées, tout le monde peut faire du tapping, ouais. donc des petits points de tapotement ouais. sur les entrées et sorties de méridien, les points ouais. d'acupuncture. Tu peux toi-même parler de ce que tu ressens. Donc, j'ai une angoisse, même si tu ne sais pas où elle est vraiment, je me sens angoissée en ce moment, tu es capable de l'identifier, de le dire, mais tu peux aussi dire... cette boule dans ma gorge qui m'empêche de parler en réunion de famille, par exemple, ou j'ai peur de ce que mes parents vont dire si je dis telle ou telle chose, si je m'exprime, si je suis moi-même. Ce sont ces difficultés-là qu'on va rencontrer en chantant. Mmh. La honte, c'est ça qui la gêne d'ouvrir la bouche, par ouais. exemple, la difficulté à se tenir droit et élégant parce que ça fait prétentieux, c'est ce que j'ai entendu, donc... Ouais. Dans mon corps, je ne peux pas me tenir bien et élégante parce qu'on va me juger. Ouais. Donc, j'ai peur de ça, du regard critique, du jugement. Donc, on rentre en contact directement avec tous ces blocages-là, tous ces non-dits, toutes ces difficultés d'expression, ces battements cardiaques désordonnés, les mains moites, les tremblements. Puis, ça nous renvoie peut-être à des événements traumatisants de notre vie. J'étais petit, j'avais 5 ans, la directrice m'a dit « ferme ta gueule, c'est arrivé ». Ou alors, on m'a fait comprendre que j'en disais trop. Ou j'ai mangé avec les parents, ils ont dit « bon, tais-toi, les adultes ouais. parlent » ou des choses comme ça. Ouais. Donc, on arrive à connecter à des choses qu'on a déjà vécues. En fait, un blocage, c'est rien d'autre qu'au fond, une espèce de résurgence... d'un petit traumatisme, d'émotions, c'est cristallisé dans le corps, donc on retombe comme sur une pierre qui est toujours en plein milieu du chemin, et chaque matin, tu butes sur la même pierre parce que tu ne l'as pas enlevée. Ouais. Voilà. Ouais. Tu as peut-être un peu poussé sur le chemin, mais la pluie, le machin, te ramène ta pierre au milieu, tu ouais. vois. Ouais. Donc, l'EFT fait prendre conscience de ça. La technique, elle est simple, elle donne des résultats instantanés, parce qu'on va les quantifier, on va évaluer notre inconfort, on va évaluer à quel point ce problème nous empêche d'être qui on est, de nous exprimer. Je voudrais chanter, mais je chante faux. Alors, qui t'a dit que tu chantais faux? Ben, tout le monde m'a dit que je chantais faux. Tout le monde sait qui? Ben, au moins mon père, au moins ma mère. Alors, est-ce que tout le monde sait ton père et ta mère? Non. Est-ce qu'il y a eu des épisodes où on t'a dit « waouh, t'as quand même une bonne voix ». Ah oui, on me l'a dit souvent. Je lui dis « est-ce que ça veut dire que tu chantes faux ?» Elle me dit « non, on m'a pas dit que je chantais faux, mais on m'a dit de me taire ». Je lui dis « donc, il y a l'histoire, On décortique quelque chose. Elle est, et puis il y a ce que tu en as fait de cette histoire. Ouais. On t'a dit, oh, cette chanson, elle ne va pas, ou ceci, cela, et toi, tu en as déduit que tu chantais faux, donc tu n'étais pas digne d'ouvrir la bouche. Mm-hmm. Et puis, on arrive à travailler là-dessus, même si j'ai cette impression de chanter faux, même si quand j'ouvre la bouche, je trouve ça horrible, et puis qu'on m'a dit à l'époque que j'avais une voix de crécelle, même si... c'est pas toujours très beau ce qui sort de moi, je l'accueille, je l'accepte parce que c'est une partie de moi et que je m'aime, des choses comme ça. Donc on va travailler avec des choses simples, claires, précises dans le corps à ce moment-là où je les vis. Et le travail de tapotement va défaire des nœuds énergétiques qui font que tout de suite après avoir travaillé de cette façon, on se sent apaisé, on se sent bien, on se sent tranquille et puis on peut aborder plus notre travail vocal avec confiance. Mais ce qui est beau, c'est que pendant que tu chantes, tu peux très bien avoir à faire une émotion désagréable et t'arrêter, puis prendre le temps d'une ronde et puis l'intégrer dans ton parcours, dans ta technique vocale. Ouais, ça peut faire partie intégrante de ton de l'aspect chant. Ouais. Toi, ça a changé quoi pour toi dans ton rapport au corps, d'intégrer ce côté émotionnel ou même dans ta vie? Au début, tu disais il y avait le bas, le haut, mais le milieu, sinon, je ne savais pas trop. Ben, en fait, je pense que d'instinct, pour moi, sans l'avoir analysé, je pense qu'on est une globalité. Donc, c'est sûr que je suis allée dans les extrêmes du corps, peut-être parce que simplement, ils étaient reliés. Mmh. Et peut-être que pour moi, le haut et le bas n'ont fait qu'une chose, donc je ne me suis pas dit qu'il fallait que j'aille décortiquer le milieu, genre chakra après chakra. Ouais. Si, pour moi, si la tête était bien structurée et que les pieds marchaient droit, c'était relié. Pour moi, c'est, quelque part, c'était relié, mais comment je... Ce que ça m'a donné ou ça... Ce qui est venu enrichir, c'est la capacité d'auto-écoute. C'est surtout ça. C'est pas me dire que le corps, c'est une entité plus que ça, parce que c'était quand même clair, sinon je serais pas allée de cette façon, mais apprendre à écouter les signaux, les reconnaître, les sentir. Donc, beaucoup plus de être posé là, et puis se dire, tiens, je suis en train de parler avec un tel, mais comment je me sens? Tu vois, tu peux être dans une discussion, tu es avec des amis, puis tout d'un coup, il y a comme une espèce d'introspection qui fait, mais est-ce que je suis vraiment bien là? Ou comment je me sens? Ou en ce moment, est-ce que je suis connectée à mes amis? Ou, ah ben non, je suis là, mais je ne suis pas vraiment là. Donc, c'est cette capacité d'écoute, plus que d'analyse. Je sens ce qui se passe en moi en permanence. Donc, ça veut dire que je suis moins le jouet de sensations désagréables. Ouais. Je les ressens. Donc, ça veut dire que je suis capable, sans me juger, sans me critiquer, de laisser vivre cette sensation. Et surtout, de ne pas la faire payer aux autres. Donc, j'ai une sensation de frustration. On va dire, ça va se passer peut-être dans mon estomac. Je suis en train de manger, mais ça passe pas si bien que ça parce que je suis pas si à l'aise à l'endroit où je me trouve. Qu'est-ce que je fais de ça? Je l'observe. Ouais. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Ouais. Donc, si j'ai un espace et que j'ai besoin de taper, donc de faire mon travail de libération émotionnelle, je vais le faire. Mais je peux aussi apprendre à simplement dire, même si en moi, même si j'ai cette sensation désagréable, de frustration, je suis là, j'accepte. Puis je m'aime, je suis là, je m'accueille dans la bienveillance, etc. Donc, c'est un travail qui peut nous permettre d'aller très, très, très, très loin, mais avant tout, nous apprend à entendre, à sentir ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Puis pour moi, c'est ça le rapport au corps. C'est de savoir clairement où tu en es à chaque instant de ta vie. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se joue en toi? Ça t'évite de faire payer tes frustrations aux autres. Ça t'évite d'aller tuer ton voisin. Ça t'évite de nourrir de la haine, tellement de haine à l'intérieur de toi que tu vas passer à l'acte dans la méchanceté, dans la haine, dans la cruauté. Ouais. Donc, pour moi, le premier secret que ça apporte, ces techniques-là, c'est de savoir qu'est-ce qui se joue en moi au niveau cellulaire, au niveau organique. C'est comme une auto-observation, tu... Ouais, c'est plus qu'une auto-observation, c'est je me sens. Voilà, après j'observe. Ouais. Je sens ça et je l'observe. C'est ça, t'es pas focusé de tout ton être vers l'autre. Des fois, dans les discussions, on s'oublie, on oublie, on est dans le... Ouais, mais c'est ce qui fait que... on peut rentrer dans des chemins assez délicats au niveau de la communication. Ouais. Parce que tu es tellement plus avec toi-même que c'est beaucoup de choses qui vont passer au travers de toi. Ouais. Et ce n'est pas forcément ça que tu aurais eu envie de dire. Trop intéressant. Ce n'est pas comme ça que tu aurais eu envie de l'exprimer. Ouais. Mais tu es complètement abusé par ton propre système organique cellulaire. Il se joue de toi à ce moment-là parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Donc, quelqu'un te dit quelque chose, ça vient déclencher une avalanche à l'intérieur de toi dont tu n'es même pas conscient. Puis cette avalanche, c'est « ça me ramène d'être avec telle personne, ça m'a ramené à tel jour où j'ai vécu ça. » Tu vois. Et je me dis... ça me ramène à cet endroit-là, mais c'était désagréable. Et qui me parlait comme ça? Et qui faisait ça? Mais en fait, l'autre n'y est pour mais rien. Oui, c'est ça. C'est que toi, tu n'as rien décrypté à l'intérieur de toi. Donc, ça nous met dans une misère. Fantastique. Ouais, ouais. Une misère incroyable qui fait que cette souffrance-là, on la trimballe partout. Donc, chanter, pour moi, apporte ce regard-là, cette espèce de... bienveillance, de tendresse, parce que tu peux pas tirer jusqu'à un certain point sur tes cordes vocales. Hein. C'est fragile, ça brûle, ça chauffe. C'est quelque chose que tu fais en chantant aussi? Absolument. Okay. Et puis, avec la technique de libération émotionnelle, tu es très, très proche de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, tu peux pas te mentir. Ouais. Tu peux laisser faire les choses, tu as le choix, on a toujours le choix. Mais tu peux aussi... accepter de reconnaître que bah, ça fait mal là et puis que c'est pas l'autre. Puis chanter, c'est ça, hein. Quand on n'aime pas le son qui sort, on n'aime pas une partie de soi. Hein. Le son, c'est nous, c'est notre personnalité profonde. On ne triche pas avec notre voix. Elle sort comme elle sort. Tu vois, à moins de faire un théâtre très particulier, se dire que je vais imiter ci et ça, et encore. Ouais. Il y a des petites choses qui nous trahissent dans la voix. Donc, Ouais, c'est comme si tout était relié. Et je trouve ça fantastique en fait dans ton parcours d'avoir relié ces branches-là finalement, raccrocher tous ces multiples aspects en fait qui communiquent ensemble. Ben, j'ai l'impression là, de mon point de vue, que Ouais, pour moi c'est très communicant. Pour moi c'est une seule et même chose. Quand on me dit tu fais plein de choses, je dis non. Le chant, c'est la libération des émotions. Trouver une technique de libération émotionnelle, c'est libérer ton chant. C'est la même chose. Être groundé, parce qu'on va chanter beaucoup debout, nous, les chanteurs classiques, par des pieds qui sont solides, qui ont des vrais points d'appui, où tu sens, tu vois, ton énergie depuis la terre. C'est la même chose. Et puis, la réflexologie, c'est ce que ça va nous apprendre à nous ancrer. Le fait d'avoir des pieds qui sont tenus, qui sont massés point par point, zone par zone, par des mains, le pied reconnaît un contact quand il va s'ancrer dans le sol. Donc, ça donne une force assez incroyable aux êtres humains de passer par le pied, parce qu'à partir du moment où tu es groundé, tu prends de meilleures décisions, tu prends un meilleur chemin, tu sais mieux où tu t'en vas. Ouais. Oui, tu es capable de t'arrêter en te disant « Ok, là où mes pieds... » Ça, c'est un vieux proverbe, je pense, chinois, qui dit « Là où se trouvent tes pieds est ton chemin. » Tu vois? Et la réflexologie te permet de réaliser ça. En ce moment, j'en suis là de ma vie. Est-ce que c'est vraiment là où je veux être? Est-ce que c'est ça mon chemin? Est-ce que c'est comme ça que j'avais décidé? Donc, beaucoup plus d'écoute, d'introspection. C'est ce qui a amené la dimension et ta formation c'est de réflexologie dans ta vie à toi et aussi. Et dans le chant, du coup. Et dans le chant. Et, voilà. Et dans la technique de libération émotionnelle, parce que c'est une acceptation globale de mon corps et de ma spiritualité et puis de de mes envies profondes, enfin de tout ce qui joue à l'intérieur de mon corps, au niveau physique, chimie, mais aussi un peu plus la dimension spirituelle de l'être. Quoi. Et je me rappelle que la dernière fois, on parlait de signaux du corps, de choses qui nous arrivent dans des émotions, qu'il n'y a pas de hasard dans ce qu'on vit. Je trouve ça intéressant, ta vision par rapport à ça, de dire que il y a des émotions qui viennent se loger, il se passe des choses dans notre vie et il y a toujours une explication. Toujours. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'est, dans ta compréhension, qui s'est créé. Ça se développe. Après, tu sais, l'idée, c'est toujours rester dans l'équilibre. Pour moi, tout a un rapport avec tout. Et un symptôme, c'est le signe qu'il s'est passé quelque chose en amont. Peu importe. Donc, j'ai quelque chose que je vois là, mais il ne vient pas de rien. D'accord ? Mon corps le sentait ou le pressentait depuis longtemps, ou depuis quelques minutes, et puis au moment où ça arrive, bon, je suis comme un peu... voilà, ça arrive là. Mais les choses, elles se construisent à l'intérieur de nous en permanence parce qu'elles vont rebondir sur des choses qui sont préexistantes de notre vie, notre vie d'avant, notre jeunesse, notre vie intra-utérine, celle de nos ancêtres, etc., etc., etc. Et... ce que tout ça amène, c'est vraiment la dimension que non seulement tu es complètement libre d'accéder à une certaine compréhension, ça c'est pour défaire le nœud du problème et surtout aller mieux dans la vie de maintenant. Donc tu as cette liberté-là, c'est de comprendre que tout est dans tout. Et que les choses, il n'y a pas de hasard. C'est que tu vas vivre dans ta journée comme tu as dormi, comme tu as mangé la veille. Tu vas discuter avec ton amoureux comme on a communiqué entre papa et maman chez toi. Pas que parce que c'est du mimétisme et que tu les as vus, mais parce que aussi plus profondément, ça coule en toi. Ça, c'est ancré, en fait. Voilà, c'est ça. Et, finalement, est-ce que tu penses qu'il n'y a aucune... Parce que des fois, je me dis, il y a le corps, il y a les gens qui... Tu sais, des fois, dans ma tête, je me dis, oh, on est là, on va travailler. Tu sais, je sens un grand désespoir de me dire, mais c'est pas possible, tout communique en nous, tout est... est-ce que tu penses ça aussi de se dire que tout communique à un endroit, en fait. On n'est pas là simplement en train de faire ça ou de faire ci ou de... Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un autre truc. Ouais, je pense qu'il y a plus grand que nous, ça c'est clair. Au niveau énergétique... En tout cas, tout communique et puis toi et moi, là, on communique, mais ce qu'on est en train de se dire, un rapport à nos vies, nos anciennes vies, peut-être même nos vies futures, et puis on vit sans doute des moments qu'on a déjà vécu ou des choses comme ça. Moi, je pense que tout est dans tout, là. Tout ce qui est vivant, en tout cas, les animaux, les plantes et tout ça, et les êtres humains, Je pense pas qu'on soit... juste comme isolé. Si tu regardes la matière, comment elle est faite, on est faite de la même matière. Donc, on ne peut pas dire qu'on est chacune séparée de l'autre. Parce que ce qui nous rend interdépendants, mais qui nous rend responsables les uns des autres, quelque part. C'est sûr que ça nous... On pourrait dire que ça nous en met sur les épaules, mais ça nous rend vraiment responsables... Au niveau d'une société, ça nous rend responsable des autres. On n'est pas coupable, mais on est responsable des enfants qui souffrent. On est responsable de ce qui se passe chez notre voisin, malgré tout, tu vois. On pourrait dire, oui, c'est sa vie, c'est des merdes et tout. Mais lui, s'il s'est saoulé et qu'il rentre et qu'il est mal, quelque part, ce mal-être, on va le sentir dans notre immeuble. On va le sentir... au niveau de la communauté, on va le sentir dans la rue. On va le sentir qu'il y a quelqu'un qui est profondément en souffrance. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne serait pas affecté d'une certaine façon par son ivrognerie. Ça impacte. je trouve que c'est pas évident dans une société où qui est pas où on nous apprend pas à écouter les signaux du corps, de faire ce choix-là. Ça, c'est un apprentissage. On est d'accord. Bon, c'est un apprentissage, mais il y a plein de belles techniques qui apprennent ça. Tu vois, la respiration de pleine conscience, méditer, en fait, se prendre du temps de calme, des temps de pause pour écouter ce que notre propre corps nous raconte. C'est déjà le début pour comprendre après ce qui se passe chez les autres. Tu vois, mais on a besoin d'autant maintenant au 21e siècle, parce qu'on est quand même dans un monde où les choses vont très, très, très, très vite, puis qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus malheureux ou laissés pour compte dans ceux qui n'arrivent pas à suivre la course, là. On a besoin de ces temps de pause pour s'écouter, pour entendre justement les signaux du corps, et puis à force de les entendre, les reconnaître, savoir dans quelle situation on a telle sensation qu'on n'aime pas, est-ce qu'on combat ce qu'on n'aime pas, est-ce qu'on développe des cravings, des envies quand on a une bonne sensation, ou est-ce qu'on veut chercher un équilibre, tu vois, parce qu'on pourrait très bien dire ça c'est vraiment super bon, j'en mange, ça je déteste, j'y goûte même pas, tu vois. Ça c'est notre façon, entre guillemets, un peu puérile de voir les choses. En réalité, notre chemin nous emmène petit à petit à rester dans l'équilibre, donc en plein milieu de celui-là. Pas d'aversion, pas de répulsion, mais pas non plus de boulimie d'excès. Une harmonie. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui n'est pas facile, mais qui le devient avec le temps, dans la qualité d'écoute qu'on développe avec soi-même. C'est ça qui nous l'apprend. C'est ça qui est important. Donc vraiment, cette qualité d'écoute, ces moments de pause aussi. Toi, par exemple, au quotidien, ça s'inscrit comment? Tu te dis, OK, à tel moment, ça vient, tu ressens un moment, puis tu l'inscris dans ton quotidien. Oui, ça se fait aussi de façon programmée, c'est-à-dire que j'ai une journée off par semaine, et puis celle-là, c'est la mienne. Puis quand je dis c'est la mienne, c'est-à-dire je peux aller me poser, puis je ferai des podcasts sans les enregistrer avec mes amis, et puis on boit des chocolats chauds et des chocolats chauds parce qu'on aime ça. Mais ça peut être, je vais marcher juste autour là parce que ça va me faire du bien, ou plonger à la bibliothèque juste pour toucher ou sentir les pages de livres. Mais ça peut être, je décide cette journée-là, je traîne au lit, je mets plein de livres et puis j'en lis plein. Là, j'ouvre des pages, je prends des notes, je fais des recherches sur mes huiles essentielles, mes prochaines mixtures, mes prochaines potions magiques et tout. Donc pour moi, ça c'est important. Et puis aux 3 mois, je me fais une semaine off qui n'a rien à voir avec ni mon entourage ni. Mais je ne prends pas de clientes, je ne travaille pas. J'avance dans des choses qui me tiennent à cœur, par exemple la lecture, des choses que je n'ai pas le temps de toujours faire au quotidien. Et puis sinon, pour ce qui est de la partie quotidienne, j'essaye d'écouter beaucoup, beaucoup de conférences en développement personnel. J'essaie de lire une bonne pensée par jour. Je fais des méditations guidées qui sont enregistrées sur mon iPod parce que j'en ai encore un. et puis le soir, je m'endors souvent en faisant des exercices de visualisation, des choses comme ça. Ça fait partie de mon quotidien. Je me pose même pas de questions. Donc je vais mettre de la musique, mais je vais mettre aussi une conférence, tu vois, dans la même journée. Puis je vais en réécouter certaines plusieurs fois. C'est comme un enrichissement intérieur que tu nourris quand même. Beaucoup. On a plein de livres audio à la grande bibliothèque, et puis ça c'est intéressant parce qu'un livre audio, tu peux le réécouter 3 semaines, tu vis avec un texte de Deepak Chopra par exemple, ou Eckhart Tolle, et puis là toi tu te baignes là-dedans. Et puis je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on peut changer profondément. Je pense sinon ce sont des tentatives de nous améliorer, mais il faut qu'on soit comme la souris verte, trempée là dans l'huile, trempée là dans l'eau. Là. C'est vraiment te faire baigner dans un bain positif et qui fait qu'on change profondément. Moi, je ne crois pas aux actions ponctuelles seulement. Je pense qu'il en faut, mais... Tu veux dire extérieur ? Extérieur, mais il faut que la démarche de changer, de t'améliorer vienne de toi et que ça devienne ton entraînement quotidien. Mm-hmm. Ouais, ouais. Transformer mm-hmm. un caractère, transformer ta colère en amour, comprendre comment tu fonctionnes, ce sont des heures et des heures et des heures d'observation et de travail ouais. sur soi. Ouais. Je ne crois pas qu'on puisse changer en dessous de ça. Ouais. Je ne crois pas. Ouais. Ouais, ça commence par là. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a même pas une formule magique. Il faut non. prendre quelque chose et puis il faut travailler avec, recommencer. Quoi. C'est ça, ouais. tu ne t'arrêtes ouais, pas ouais. en fait. Non. Sinon les vieux mécanismes vont reprendre le dessus parce que c'est quelque chose que tu as depuis... À l'intérieur et puis faire, tu vois, du travail comme EFT, Emotional Freedom Technique, tu peux aller travailler sur plein de dimensions. Donc... Si c'est des vieilles affaires, tu peux travailler au niveau ouais. Familial, au niveau même karmique, au niveau... Ouais. Parce que les neurosciences, elles nous apprennent, on le sait maintenant, qu'on n'est pas l'expression de nos gènes. Contrairement à ce qu'on avait pensé, tous mes ancêtres étaient des voleurs et des tricheurs, etc. Donc moi, j'ai pas le choix, je serai là-dedans parce que ça coule dans mes veines. Mais non, on est bien l'expression de nos pensées. Mmh. Et une pensée, ça peut se transformer. Et une pensée, ça se transforme d'un coup de baguette magique. La transformation, elle se fait aussi vite. Par contre, l'entretien de cette transformation, c'est j'y reviens, et j'y oui. reviens, j'y reviens, j'y reviens. Ce qui fait que profondément, tu transformes la forme même et le contenu, le contenant et le contenu de ta pensée. Ce qui fait de toi une nouvelle personne, biochimiquement parlant. Donc ça, c'est extraordinairement encourageant de se dire que le fait de changer, de transformer mes pensées va transformer mon corps et ses réactions dans la vie. Et ça, ça a un impact et ça, ça fonctionne que si tu es dans cette dynamique de répétition où tu peux transformer biochimiquement cette pensée-là. On transforme biochimiquement ouais. cette pensée. À partir du moment où tu as changé la pensée, tu as envoyé d'autres informations ouais. chimiques dans le corps. Ouais. C'est-à-dire que telles hormones, telles... précurseur de telle hormone va travailler autrement. Mm-hmm. Donc, faire une pensée de colère, par exemple, on sait que instantanément, ton foie, qui est l'organe de la colère, on va dire symboliquement, va sécréter d'autres ou excréter à ouais. l'extérieur d'autres enzymes, d'autres composés chimiques. Et puis ça, on peut le voir. Si on faisait une biopsie, ouais. on sait que ton foie, à ce moment-là, il se passe ça, et dans tes veines, il y a ça. Et la colère, ça va être un des sentiments où le poison va circuler le plus longtemps dans ton corps et va s'en aller le plus tard par rapport à d'autres sentiments. Donc, est-ce que la colère... Tu veux dire le poison de cette émotion? De cette émotion, oui, mais au niveau biochimique. D'accord. Au niveau biochimique. Donc, est-ce intéressant de se mettre en colère en sachant que tu vas tellement polluer à l'intérieur au niveau de ta chimie moléculaire. Okay. Là, on parle de cellules. Parce que c'est des cellules qui sont... Parce qu'à partir du moment où tu as eu cette colère-là, bah, ton sang ne travaille plus de la même façon. Ton okay. taux d'oxygène diminue dans D'accord. le sang, etc. Désorganisé. Donc, si on faisait une ponction de ce sang à ce moment-là, on verrait que telle ou telle molécule, tel ou tel mm-hmm. composé chimique, ce n'est pas les mêmes. Ouais. Voilà. Donc, ouais. on peut relier ça à une émotion de colère, le chagrin, la tristesse ou des choses comme ça. Donc, comme on sait que ça a un impact direct sur notre chimie, bon, évidemment sur la physique aussi, là, sur ta façon de marcher, ta façon de parler, de te tenir, mais parce que cellulairement, tu t'es pollué. On sait très bien que de changer la pensée va faire que tu vas excréter d'autres hormones, ouais. d'autres précurseurs d'hormones. Donc, ouais. tu vas pouvoir nettoyer ou réoxygéner ou apporter des éléments de vie, de ouais. vitalité dans ton système cellulaire, dans ton organisme. Mais c'est dingue. Donc, parce que c'est là où tu reprends ton... C'est comme si tu reprenais absolument. Un pouvoir, en fait. Mais ça, tant qu'on ne le savait pas, on pensait qu'on était le jouet de notre généalogie, qu'on était le jouet de nos grands-parents, de nos ancêtres. Mais de te dire que par ta pensée, tu peux changer le cours de ton ouais. existence, ouais. que tu peux même changer la forme physique que tu as, c'est waouh. Ouais. Puis on le voit, moi je le vois avec des clientes, On peut prévoir, entre guillemets, dans l'aura, en regardant les gens, si, pour des gens qui ont des problèmes de poids, par exemple, s'ils sont en prise de poids ou pas en prise de poids. Des fois, le poids va venir des mois après. Okay. Mais dans leur shape, tu vois qu'ils sont déjà... Là-dedans. Absolument. D'accord. Ou des mois avant, tu vois, tiens, quelqu'un, tu vois déjà son nouveau corps. Ça, tu corps. Le perçois. Ah, absolument. Incroyable. Absolument. Puis je le vois sur moi aussi. Là. Oh. J'ai même pas... C'est quelque chose qui s'est développé au fil du temps chez toi. Ouais, cette observation fine. Oui, complètement. Donc, ce sont des choses comme ça, mais c'est vraiment dans ta pensée. C'est comment tu penses qui fait que ce qu'on voit de toi, et des fois, tu ne sais pas ce que tu penses, parce que justement, tu ne t'arrêtes pas, tu ne prends pas les temps de pause, tu ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Donc, ton corps, il subit, en fait, toute la chimie intérieure, et puis toi, tu ne le sens même pas encore, parce que on n'a pas appris à se poser, et puis se dire, OK, c'est quoi en ce moment qu'est-ce qui se passe? Absolument. Comment je me sens? Ouais. Donc, grâce aux neurosciences, on se rend compte à quel point on a une liberté qu'on n'aurait jamais pensé avoir. Ouais. La liberté de se transformer, la liberté de changer, d'améliorer des comportements, la liberté de devenir exactement qui on veut devenir. Ouais. Mais ça donne un pouvoir énorme à l'être humain. Énorme, plus grand qu'il n'imagine. Vraiment. Que tu as la possibilité de changer ton environnement. Wow. Et ça peut avoir un impact sur tes gènes. Complètement. Mm-hmm. Complètement. Et vice-versa. Tu changes ta chimie génétique et tu transformes ton environnement. Ouais. Les deux, ils fonctionnent. Les deux, ils fonctionnent. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Donc, moi, je trouve ça fascinant. Et puis, le 21e siècle, c'est évidemment, on développe. Et puis, la technologie, on a l'impression qu'on peut plus aller plus loin. Et puis, la vie nous démontre que ça continue à évoluer. Mais ce qui est beau, c'est que au 21e siècle, toi et moi, on est assises là, dans une cuisine, à pouvoir se parler de ça très facilement, alors qu'il y a 15 ans, on était deux ou trois hurluberlus qui parlions de ça. Tu vois, ma copine qui regardait EFT sur son vieil ordinateur épais, gros écran, truc comme ça, on en parlait vraiment un peu... Fait des petites potions dans sa cuisine. Maintenant, on peut en parler, puis les gens ils me disent « Oh, tu pourrais fabriquer une huile pour ça, j'ai mal à la cheville, j'ai mal ceci. Est-ce qu'il existe dans la nature et tout ?» Puis ça, c'est vraiment beau, quoi. Ça nous met en complémentarité aussi avec tout ce qui existe, tout ce que l'être humain a découvert de bon. Ouais. Parce que l'intelligence humaine, elle est là, et puis c'est grand, et il faut se servir de tout ça. Ça doit donner de l'espoir de voir ces gens. Complètement, mais de te dire que les neurosciences arrivent de mieux en mieux à nous faire comprendre ce que, des fois, intuitivement, on comprenait, on ressentait. Ça, c'est très beau, et puis c'est encourageant aussi pour des gens qui ont besoin de preuves, pour des gens qui ont besoin de statistiques, de mathématiques et tout ça. Je vois ce que tu veux dire. Mais on a tellement une chance de vivre et puis d'aller à la grande bibliothèque, d'aller au rayon développement personnel ou santé et de voir tout ce qu'on a à notre portée, quoi. Vraiment. C'est fou. Vraiment. C'est fou. Jamais on a eu autant de connaissances de nous-mêmes, de comment on fonctionnait qu'à notre siècle, de possibilités. C'est wow. Ouais. C'est wow. Ouais. Je pense qu'on... On peut être ébloui sans même se rendre compte encore de ce que ça représente, quoi. De c'est cette grandiose, abondance, hein. Là, ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Et de la facilité. Mm-hmm. La facilité d'accès, la facilité d'en parler, la qualité des rapports humains que ça peut créer. Mais je vois vraiment ce que tu dis dans cette notion de preuve, de... Parce que quand t'es quand t'as fonctionné dans un fonctionnement où tous les gens t'ont dit... Enfin, je veux dire, quand j'ai découvert la communication non-violente, tout un paradigme que je connaissais s'est effondré parce que... Et même des fois, je me dis, est-ce que c'est pas eux qui ont raison? Tu sais, des fois, tu te dis, mais OK, tout te confirme que t'es sur la bonne voie, puis c'est ça qui est juste pour toi, mais c'est... Je vois ce côté d'aller chercher des preuves, de dire, OK, non, c'est ça. Puis... Et puis... apprendre aussi à faire confiance au corps, tu vois. Le corps, c'est tout et il ne ment jamais. Mm-hmm. Donc, notre intellect peut nous faire croire des choses ou peut transformer ou travestir notre ressenti profond. Parce que son devoir, c'est quand même de nous protéger, de nous éviter la souffrance. Donc, il va avoir tendance à minimiser, mais ça, c'est pour notre bien. Et ce qu'on reconnaît, par exemple, en Emotional Freedom Technique, c'est que, OK, tu as le droit de sentir ça, tu as le droit de penser ça, c'est correct. Et puis, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais OK, cerveau, je comprends que tu me protèges, je comprends que tu ne veux pas que je souffre, etc. Et puis, d'ailleurs, tu le fais très bien. Hier, je ne me suis pas brûlée, hier, je ne me suis pas fait écraser dans la rue parce que tu avais de la vigilance, merci. Mais regarde là, j'ai besoin d'aller explorer d'autres choses où ton aide ne me sera pas utile. Alors, je te mets en stand-by et pour l'instant, j'écoute mon corps. Je veux voir qu'est-ce qu'il me raconte. Donc, on demande gentiment à ce cerveau qui est tout le temps là pour nous protéger. Ça devient notre meilleur allié. OK, là, tu m'as protégé assez, mais maintenant, il faut que je brave le danger. Il faut que je prenne des risques. Il faut que je comprenne qu'est-ce qui marche dans mon corps. Le cerveau, il se tait. À ce moment-là, il n'intervient pas. Parce qu'on lui demande gentiment et on le remercie de faire bien son travail au quotidien. Puis à partir de ce moment-là, tu es là avec toi-même, tu dis « Ok, mais ce genou, il me chauffe depuis quelques jours en fait. J'ai négligé et j'ai continué à marcher sur cette douleur. Mais qu'est-ce que ça représente dans ma vie? Où est-ce que je veux pas aller? Avec qui je suis en conflit ?» Tu vois? Donc tu vas te poser des questions qui, et là, tu as de la chance, elles ne seront pas bypassées par ton cerveau qui va te dire « Mais non, ce n'est pas si grave. Et puis, tu as déjà fait tellement de travail, là, tu peux... » C'est comme faire un régime pour maigrir et puis au bout de 15 jours, ton cerveau, il va te dire quoi? Ouais. Waouh, super, je suis fière de toi. Mais ton corps? je suis super fière de toi, tu as perdu 3-4 kilos en 15 jours, bravo. Mais tu ne crois pas que tu mérites une récompense? va donc chercher un gâteau. C'est normal, il connaît ça. Puis il voit que... tu vas maigrir, tu vas peut-être mourir, dépérir. Alors lui, il va te dire, récompense-toi. Ouais. C'est ton meilleur ennemi. Ouais. Et ami en même temps. Parce qu'il veut te faire du bien, mais il va saboter ton régime, croyant te faire du bien, parce que tu as mérité une récompense. Puis là, tu as le choix en lui disant, oui, c'est sûr, je pourrais mériter une récompense, mais c'est peut-être pas celle-là dont j'ai besoin. Je vais plutôt m'acheter un vernis à ongles comme récompense. Parce que je n'ai pas envie que tout le travail que j'ai fait soit anéanti par un gâteau. Mais il va insister un peu. Puis là, ça sera à toi de dire, OK, c'est gentil, tu m'as protégé, ça fait 15 jours que je fais mon régime, que je maigris bien, et puis j'ai le goût de continuer. Ouais. Veux-tu me laisser explorer ça? Ouais. Voilà. Ouais. Donc, notre ennemi, notre cerveau ne devient plus notre ennemi, mais un allié sur lequel on peut compter, mais on l'appelle quand on a besoin. Parce que si on part du principe que le corps sait tout, avant que le cerveau ait décrypté un signal, notre corps, lui, a émis le signal. C'est juste qu'on a appris que le cerveau, lui, comprenait tout, que c'était l'intelligence suprême. Mais notre corps, ça fait longtemps qu'il le sait, qu'on est en souffrance. Là. C'est juste qu'on n'a pas écouté. Ça vient après. C'est ça. Donc pour moi, je fais un lien dans tout ce que je fais, que ce soit l'action de chanter, le soin de réflexologie, la technique de libération émotionnelle et puis tout le reste, tout le travail sur les méridiens, tout ce que les médecines ancestrales traditionnelles nous apportent de sagesse, de compréhension, d'écoute et tout. Pour moi, c'est un tout. C'est un tout. L'idée, c'est que l'être humain se sente bien en lui, à l'intérieur de sa peau, que ça soit son environnement le plus sécuritaire possible et que ça émane de lui. Bien sûr. Voilà, donc... Fantastique. Ouais, voilà. Fantastique. Mm. C'est génial. Je trouve ça tellement inspirant, vraiment. Waouh, c'est fantastique. Ouais. Vraiment. Mais la vie est retrouver fantastique. Retrouver un allié. Ouais, un allié. Se reparler à l'intérieur. Incroyable. Incroyable. On peut même se le dire se parler à son cerveau, finalement. Absolument. Et retrouver une conversation Absolument. Avec soi-même. Quel pouvoir. Tu vois, pour moi, les pensées, c'est comme chaque matin, tu te lèves et puis tu vas au travail, tu dois prendre le train. Puis à la gare, tu vois des milliers de gens passer. Ça, pour moi, sont les pensées. Puis par moment, il y a quelque chose qui t'interpelle. Il y a une dame qui passe, elle a un chapeau rouge à plumes. Évidemment, tu vas lever un peu la tête, le nez, et puis tu vas voir cette dame. Est-ce que tu as le choix de dire « Oh mon Dieu, elle est spectaculaire !» Oh là là, elle est ridicule. Oh, ce chapeau. Puis tu peux rester pendant 1 heure, madame est déjà passée, elle a pris l'autre train. Et tu es encore Ouais. à penser à ce chapeau à plumes qui était inadéquat ce jour-là, etc. Ça, c'est les pensées. Mais tu as aussi le choix de dire, oh, il y a une madame avec un chapeau à plumes qui passe. Et c'est tout. Ça, c'est tes pensées. Donc, tu as le choix de devenir obsessif, obsédé de quelque Ouais. chose ou de simplement dire les pensées, c'est fait pour passer et circuler. Et ton cerveau, son premier travail, c'est de faire des pensées. De même que ton cœur, c'est de pomper le sang et de battre. C'est son job. De même que ta circulation de retour sanguine, c'est que le sang, il monte du pied jusqu'à la tête. Est-ce que chaque matin, tu te lèves en disant, aujourd'hui, Je vous arrêtez de pomper? Est-ce que tu le te dis ça? fais. Ouais. Non. Ta peau, elle est exactement à l'endroit où elle est pour que tu ne sentes pas trop de différence de température, que tu ne brûles pas, que tu refroidisses pas en 2 secondes. Elle t'informe de danger à des kilomètres. Est-ce que tu dirais à ta peau ce matin-là, aujourd'hui, tu ne travailles pas? On serait bien. Tu vois? Donc pourquoi on dirait à notre cerveau, tais-toi, ou alors pourquoi on deviendrait obsessif à De essayer quelque de chose. comprendre? Non. Il fait son travail, des pensées, ça se nettoie, ça se vide, ça en remet d'autres, il y a une récurrence, il n'y en acquiert pas ce qui. C'est ça son travail. Donc est-ce qu'on intervient, on doit intervenir à tout prix dans ce travail-là? Non. Laisser faire, oui, et quand c'est trop envahissant, dire ok, voilà, trop de passagers sur ce On fait quai la de gare, pause. là, on fait la On fait pause. une pause On et fait on une pause. s'arrête. On va dans une petite gare de campagne et puis il y a 3 pelés qui passent et Voilà. c'est correct. Donc on a ce choix-là Ouais. de jouer, Ouais. de comprendre et d'accepter le travail qui fait ce cerveau pour nous aussi maintenir une qualité de vie, une qualité de pensée, une qualité de précaution dans la cuisine face aux dangers de la vie au quotidien. Mais quand il s'agit de transformer des choses, ben, il sera là pour nous dire, wow, on n'y va pas trop vite. Oh non, non, non, non, attention, il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Toi, tu ne peux pas aller. Et puis là, tu lui dis gentiment, oui, mais j'ai envie de le faire. Ouais, J'ai on envie essaye. d'essayer. Voilà. Donc, c'est renouer un dialogue positif avec Avec soi-même, en soi-même. fait. Ouais. Ouais. Ben, merci Élisée pour Ben, merci finir sur ces belles Aurélie. paroles. Ça me donne de la gratitude pour le corps, pour vraiment, Ouais. pour Ah non. ouais. Pour tout ce qui nous apporte et puis qui nous permet de comprendre, ouais. Plus d'amour, plus de compréhension et puis beaucoup de pardon. On a fait des fautes avec notre cerveau, avec notre corps, on a pris des chemins bizarres, on a rencontré du monde qui n'était pas bon forcément pour nous, mais on ne savait pas quoi demander, on ne Oui, savait on pas non ignorait plus ça. comment écouter, alors que maintenant, on ne sait plus ça, On a toutes notre les portée. techniques. Ouais, on a Ouais. une chance inouïe. Donc merci Aurélie, Ben, merci, c'était vraiment, waouh, c'est fun. dingue, on a comme fou, c'est Ouais. super. Puis j'aimerais finir sur, Élisée, toi, tu as des projets qui s'en viennent, Ouais. est-ce que tu veux en parler un Oui, peu? bien sûr. Tu as un stage. Ben déjà dimanche, là, le Oui. 9 juin, il y a un très très beau concert. Je donne carte blanche à 2 de mes élèves qui sont Raquel Dor-Saint-Pierre, soprano, et Cécile Marvillier. Donc deux jeunes femmes très très belles, très talentueuses qui ont découvert leur talent de chanteuse. Donc ils seront sur scène à la salle Maria Goretti, 3333 rue Sainte-Catherine, à Montréal, rue Génial. de la Côte-Sainte-Catherine. Donc ça, c'est pour le prochain événement, donc dimanche 9 juin, 14-16 h, un beau, beau récital, deux Ouais. pianistes, Kevin Morin et François-Xavier Dupas, qui vont les accompagner dans des musiques très diversifiées, très éclectiques. Donc on va voir l'étendue de leurs capacités vocales et techniques M'enverras le jour, l'invitation. voilà, c'est Ouais, ça, avec ouais. plaisir. Et au mois d'août, du 10 au 18, au studio B12 à Valcourt, ça c'est dans les cantons. On va faire une intensive de chant et libération émotionnelle. Donc là, on va travailler tous les aspects émotionnels qui viennent bloquer le chant et puis ceux qui sont là pour encourager le développement de la voix, prendre pied dans sa vie, trouver sa vraie voix ou ses voies, son Ouais. chemin, etc. Donc ça sera une semaine en immersion à la campagne, dans une très très belle maison, nourrie, logée, et on ne va faire que chanter du matin au soir, en donnant au corps le plus de possibilités de se développer en harmonie, etc., au niveau de ses sentiments. Donc, je pense que ça va être vraiment une semaine très, très, très belle, très, très enrichissante et puis qui va apprendre beaucoup. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à digérer après cette semaine puisque ça va être dense. C'est ouvert à tous les gens qui pensent qu'ils ont quelque chose à travailler au niveau de leur voix, de leur communication, des professionnels et puis des gens qui font ça pour le plaisir. Les inscriptions ont commencé bon train, puis il y a des gens très, très particuliers, très divers que je ne connais pas, donc qui nous ont contactés, qui viennent un peu des régions. Donc ça va être un stage très fort d'aller développer finalement de l'amour avec tous des gens différents qui viennent d'horizons différents, là, créer une belle communauté de chanteurs détendus, fiers de la voix, fiers de chanter, respectueux de son instrument aussi. Donc on va apprendre à la fois de la technique vocale, mais aussi l'hygiène de la voix, comment entretenir notre instrument vocal, faire du répertoire, aller chercher celui qui convient le mieux à notre voix, faire des analyses de nos œuvres. Donc, Et puis, j'ai deux très beaux pianistes qui vont, avec lesquels on va travailler pour ceux qui ont besoin d'être en sécurité au niveau de leur solfège de base, lire un peu mieux la musique, faire une analyse d'une œuvre ou apprendre à travailler une œuvre musicale. Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait? On débroussaille, on commence comment? Et puis l'idée c'est de rendre vraiment tout le monde autonome au bout de cette semaine intensive, repartir avec des exercices de technique enregistrés, ce qui nous convient à ce moment-là, faire du travail très progressif, comprendre la méthode de technique de libération émotionnelle et voir jusqu'où on peut aller toucher d'affaires et puis améliorer profondément. Donc, du 10 au 18 août cette année, ça va être vraiment extraordinaire. L'immersion, dormir à la campagne, marcher, il y a un étang, il y a un petit village. Enfin, on va être super bien. Valcourt, c'est très, très beau. Dans les cantons de l'Est. Génial. On n'est pas très loin de Montréal, donc ça aussi, c'est chouette. C'est pratique. Puis à côté de ça, tu continues aussi à consulter, faire des consultations en réflexologie. Absolument. La réflexologie, j'arrêterai. Je ne peux pas arrêter de toute façon. C'est un langage tellement extraordinaire. Donc les consultations, elles continuent jusqu'à la fin juin. Après, je prends des vacances, je reviens fin juillet. On reprend ça et puis ça va être le temps des bilans parce que dans les inscriptions pour l'intensif de chant et libération émotionnelle, ceux qui se sont inscrits avant le 31 mai ont droit à un bilan de 1h30. Et le bilan, c'est faire le point sur où j'en suis de ma voix, qu'est-ce que je veux faire avec ça, comment je vais m'y prendre. D'accord. Et nos premières recherches de répertoire. Préparer ceux qui se sont inscrits, qui vont s'inscrire jusqu'au 31 juin ont 1 heure de technique vocale. Donc, ça peut aider à voir... qu'est-ce que je suis capable de faire, comment je m'y prends, etc. Et ça fait des petits bonus jusqu'au mois d'août. Et puis au mois d'août, là, on est parti. Donc toujours les soins, cabinet de réflexologie, travail d'enveloppement aromatique, donc avec les huiles essentielles. Ça, c'est un soin qui est très beau, qui dure 1h30 et on est baigné d'huile. Ma mère pourra le confirmer. Ouais, les choses qui détendent, mais qui font tellement de bien à l'esprit, au cerveau, parce qu'on renifle beaucoup, on va se sentir s'imprégner. Donc, une grande partie olfactothérapie là-dedans. On sait que les huiles vont avoir un impact très rapide sur le cerveau, donc on en profite. Ça va être génial. Génial, super. Merci Élisée. Au plaisir à l'une de ces manifestations. Je vous recommande vivement de rencontrer Élisée, vraiment. Puis en réflexologie, on peut aller voir ce que j'offre comme service. J'ai un site, donc www.reflexibilité.com. Parfait. Voilà. Parfait. Le mot réflexibilité, parce qu'on a du réflexe là-dedans, mais la réflexibilité, c'est la capacité de réfléchir sur soi-même. Donc, une lumière réflexible, elle se réfléchit sur elle-même. Puis, je trouvais ça... Intéressant. Je mettrai toutes les infos, puis le lien de l'événement aussi pour l'intensif de mois d'août. Merci infiniment Aurélie. Merci. Merci à toi. Un beau moment. Merci Élisée. Merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que tu ressors de là inspiré et avec plein de belles idées. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et en parler autour de toi pour inspirer ton entourage. Et d'ici là, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Viens réinventer le monde. Salut, à bientôt!